d'incendie. On m'avait dit tout est brûlé, tout a repoussé par ici. Il n'y a que toi abîmé. Tu as changé. Tu as changé. On m'avait parlé de la pluie. On m'avait dit tout est noyé. Tout a refleuri par ici. Il n'y a que toi de fané. Tu as changé. Tu as changé. Petite fille, me diras-tu ce que l'hiver t'a raconté pour que tu te sois transformé. Moi je ne te reconnais plus. Tu as changé. Tu as changé. On m'avait parlé de la toujours.